La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Difficile d'imaginer une vie moins aventureuse que ne le fut celle de Charles Dodson, qui écrivit Alice au Pays des Merveilles sous le nom de Lewis Carroll. Cet écrivain aujourd'hui célébrissime n'aurait jamais touché à la postérité si les petites filles qu'il admirait ne lui avaient demandé de mettre par écrit les histoires qu'il leur racontait, rédigeant ainsi des contes à dormir debout qui inspireront jusqu'au surréaliste. Sa vie, nous l'avons raconté lundi au cours d'une émission avec Laurent Bury. La photo, on l'oublie souvent dans l'œuvre de Lewis Carroll, et pourtant la vision en général revêt un rôle primordial chez cet homme qui sublime la pulsion érotique en pulsion du regard. Laurence Gasquet nous parlait hier de tout ce rapport avec l'image. Enfin, demain, nous reviendrons sur la notion de nonsense ainsi que sur d'autres livres moins connus de Lewis Carroll comme La chasse au snark ou encore Sylvie et Bruno. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour creuser l'épineuse question du lien de Lewis Carroll avec les petites filles, également pour parler de son intérêt pour la logique et les mathématiques, nous sommes avec Sophie Maré-Malval, psychanalyste et professeure de littérature anglaise à l'université Paris 8 Saint-Denis. Elle a publié sa thèse de doctorat sous le titre « Lewis Carroll, de l'autre côté de la logique ». C'était en 1995 aux presses universitaires de Rennes, éditeur où elle a également fait paraître en 2005 les actes du colloque « Lewis Carroll et les mythologies de l'enfance », où elle avait donné un texte justement sur les petites filles. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Le penchant de Lewis Carroll pour la petite fille impubère, ce n'est pas là son génie. Nous autres psychanalystes n'avons pas besoin de nos clients pour savoir où cela échoue à la fin, dans un jardin public. Son enseignement de professeur n'a rien non plus qui casse les manivelles. En pleine époque de renaissance de la logique et d'inauguration de la forme mathématique depuis la prise, Lewis Carroll, quelque amusant que soient ses exercices, reste à la traîne d'Aristote. Mais c'est bien la conjuration des deux positions d'où jaillit cet objet merveilleux à déchiffrer encore et pour toujours éblouissant son œuvre. Jacques Lacan évoquant l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles dans une intervention sur France Culture le 31 décembre 1961. Bonjour Sophie Maré-Malval. C'est vrai que l'œuvre de Carroll, c'est un objet merveilleux à déchiffrer encore. On n'aura d'ailleurs peut-être jamais fini de l'interpréter. Il y a sans cesse de nouvelles interprétations. Oui, Lewis Carroll lui-même, quand il a complété les aventures d'Alice, enfin, il les a inventées en récitant au fil de l'eau, au fil d'une balade en bateau, les choses, il dit au fond que ça lui venait un peu comme ça, et ensuite il a complété le récit quand on lui a demandé de l'écrire, et il se levait la nuit quand des idées lui venaient, c'est-à-dire que ça part quand même d'un récit qui n'a pas le contrôle d'un message à délivrer, mais plutôt ça jaillit un peu comme ça vient pour Lewis Carroll, et ça contribue sans doute au fait qu'il n'y ait pas eu une intention, un message à passer, mais que le texte convoque de nombreuses interprétations. C'est un texte qui est un peu comme un rêve. Oui, il a une dimension onirique. Alors, dans la facture du récit, puisque il le présente comme ça, Alice s'endort et elle rêve. Mais le récit lui-même, en effet, a une dimension Oui, une dimension onirique, une dimension de rêve. Non contrôlée. Voilà. Et d'où les nombreuses interprétations psychanalytiques, c'est aussi votre spécialité. On s'est beaucoup intéressé dans ce côté-là de la recherche à Lewis Carroll. Oui, beaucoup, un peu à tort et à travers. Mal parfois, selon vous. Disons beaucoup à partir. Soit de lectures psychobiographiques, parfois un peu problématiques, qui sont assez tentantes. Parfois les post-freudiens, comme Schilder, auquel Lacan fait référence et auquel il s'attaque, pour essayer de dire qu'on ne peut pas mettre les Alice dans les mains de n'importe qui, d'essayer de pointer le danger du texte pour les enfants. Il y a du danger à lire Lewis Carroll pour les enfants. Je ne le pense pas. C'est un texte qui peut faire peur aux enfants. C'est pas un texte. Mais certains ont pensé, en tout cas, qu'il y avait peut-être un danger. Voilà, certains ont pu penser qu'il y avait peut-être un danger. Je ne le pense pas. Bon, alors, Lacan, en archive, fait exactement comme vous, c'est-à-dire qu'il lit la question de la logique et la question de l'inconscient. C'est indissociable pour vous ? Oui. Oui, alors, c'est une question difficile, mais... Prenons le point de vue de Lacan, au fond, c'est que l'œuvre emporte un savoir insu de l'auteur, et que ce savoir touche profondément à l'inconscient. À l'inconscient, au sens où c'est une œuvre qui nous enseigne sur le désir, mais aussi sur, d'une certaine manière, la structuration logique du sujet, les catégories constitutives du sujet, symbolique, imaginaire et réel. Le logicien, au fond, essayait d'aller toujours un petit peu à l'épure des choses. L'esprit du logicien marque beaucoup l'esprit des Alice, et c'est en ce sens-là que le texte travaille le langage, que travaille l'équivoque, et que quelque chose de la question de l'inconscient, de l'impossible à dire, de la question du manque au fondement du langage, est inhérent à l'œuvre. Et c'est en ce sens-là que le travail du logicien aussi rejoint la question de l'écrivain. Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons de Lewis Carroll avec vous, Sophie Marais-Malval. Et alors évidemment, Lewis Carroll est indissociable dans l'imaginaire des petites filles. Pas des petits garçons d'ailleurs. Est-ce que ça vous interpelle d'une manière ou d'une autre ? Je ne sais pas si moi ça m'interpelle, mais en effet, on ne peut pas tout à fait faire l'impasse sur cette question. La question étant du statut de ces petites filles. Qu'est-ce que... On ne sait rien de Lewis Carroll. Laurent Burry et Laurence Gasquet l'ont rappelé avant moi. On ne peut prendre les choses qu'avec la plus grande prudence. On ne sait pas si, en effet, il avait ou non un désir pour les petites filles. On sait a priori que s'il y avait désir, il n'a pas été en tous les cas assouvi. Absolument. Ça, on a quand même la quasi-certitude qu'il n'y a jamais eu de passage à l'acte. Ce qui est clair, c'est que les petites filles sont des images idéalisées, peut-être des traits d'identification. En tout cas, ce qui est important, c'est que dans l'œuvre, c'est une petite fille qui est au centre. Et je me disais que peut-être le plus important, c'est pas tant de savoir si le désir de Lewis Carroll pour les petites filles informe l'œuvre, que l'œuvre porte sur le désir d'une petite fille. Il nous montre une petite fille désirante, une petite fille curieuse, et une petite fille aux prises avec la question du désir. Et c'est peut-être en ce sens-là que l'œuvre est la plus indissociable de la petite fille. Mais les petits garçons aussi peuvent avoir ces mêmes caractéristiques et ressentir aussi du désir. Or, il n'y a pas de petits garçons jusqu'à Sylvie et Bruno. Absolument. Pourquoi, je ne sais pas. Il ne s'agit pas de tout expliquer, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je ne sais pas. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a tout de même un cas Lewis Carroll, comme il y a un cas Nabokov, c'est-à-dire quand même l'impossibilité de lire ses écrivains sans avoir en tête le rapport problématique tout de même qu'on leur prête avec les enfants? Je pense que tout dépend du lecteur. C'était des ouvrages adressés aux petites filles, je pense que, et aux enfants en général. Les générations ont lu Lewis Carroll sans se poser cette question-là. C'est récent finalement c'est qu'on récent. Se demande le rapport qu'il avait avec les petites filles surtout. Oui, enfin, ça a traversé plutôt les milieux intellectuels qui avaient ce savoir-là et qui se sont interrogés là-dessus. Mais après, dans des interprétations et des lectures très diverses aussi selon les époques. La question de la sublimation se pose. Pour Lacan, il y avait sublimation chez Lewis Carroll. Chez Lewis Carroll. Ben, la sublimation pour Lacan, c'est un traitement du réel, un traitement de la pulsion, on va dire ça. Oui, l'œuvre de... Et Lacan dit au fond que cette œuvre nous enseigne sur... la question d'un certain traitement de la pulsion. Donc la sublimation, on peut rappeler rapidement que c'est le déplacement du désir vers un objet qui est non sexuel. Donc en l'occurrence, le déplacement du désir vers la littérature ou vers la photographie. Ça, c'est l'interprétation freudienne, c'est pas l'interprétation lacanienne, mais... oui, sans doute un déplacement, on va dire, un déplacement de libido dans la littérature et dans la photographie pour lui, très certainement. C'est-à-dire que la question du regard, pour lui, est absolument centrale. L'œuvre est une œuvre illustrée, comme l'a rappelé Laurence. La question de la curiosité, du regard, mais aussi de l'avidité orale est très présente chez Alice. De l'avidité, où est-ce que vous la voyez dans le texte? Il est tout le temps question de dévoration. Le morceau charpent entier qui mange les huîtres, enfin c'est absolu, le bois-moi, mange-moi du gâteau, de la bouteille, enfin la question de l'objet oral est extrêmement présent. La question n'est pas tellement de savoir s'il y a de la sublimation pour Carroll. Au fond, ça nous intéresse pas tellement. C'est plutôt que le rapport, notre rapport aux objets pulsionnels, le regard, la voix, l'objet oral est présent dans le texte. Mmh. Et c'est de ça dont il s'agit. Il y a une, je sais pas comment on pourrait appeler ça, une pulsion scopique, un désir de regarder et puis une impossibilité de ne pas regarder chez Lewis Carroll. Ou dans son œuvre. Chez Lewis Carroll, je ne sais pas, on voit bien que la photo a pris une place extrêmement importante pour lui. Dans l'œuvre, oui, la question de voir est extrêmement centrale pour Alice. Mm-hmm. Votre lettre m'a plu bien davantage que tout ce que j'ai reçu ces temps derniers. Mieux vaut que je vous signale certaines choses qui me plaisent, de la sorte, chaque fois que vous voudrez me faire un cadeau d'anniversaire... Mon anniversaire revient une fois tous les 7 ans, le 5e mardi d'avril. Vous saurez quoi me donner. Voici. J'aime beaucoup. J'aime à la folie un peu de moutarde sous laquelle on a étalé une mince couche de bœuf. J'aime aussi la cassonade, à condition qu'on y mélange de la tourte aux pommes pour qu'elle ne soit pas trop sucrée. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est peut-être le sel, lorsqu'on a versé dessus un peu de soupe. La soupe est destinée à empêcher le sel d'être trop sec, et elle aide à le faire fondre. J'aime encore un tas d'autres choses. Par exemple, les épingles, à condition qu'elles aient toujours un coussin autour d'elles pour leur tenir chaud. Et j'aime aussi 2 ou 3 poignées de cheveux, à condition qu'il y ait toujours au-dessous d'eux une tête de petite fille où ils puissent pousser. Sans quoi, chaque fois qu'on ouvre la porte, le déplacement d'air les éparpille dans toute la pièce et on ne peut plus les retrouver. La la compagnie des auteurs sur France Culture et cette lettre de Lewis Carroll à une petite fille lue par Jean-Louis Trintignant. C'est une lettre amusante, charmante on pourrait dire, comme la plupart de ses lettres d'ailleurs. Sophie Marais-Malval, vous les lisez avec plaisir? Oui. Alors il y a des lettres qui ne sont pas adressées à des petites filles, hein. La plupart de ces lettres, les plus connues en tous les cas, sont adressées à des petites filles, mais il en parle néanmoins des petites filles dans ces lettres. Est-ce que vous avez souvenance, par exemple, de ces occurrences? Alors, j'ai assez peu travaillé sur les lettres, mais j'ai essayé de... J'avais cherché à un moment donné, en effet, comment, dans quel terme il parlait des petites filles. Et ce qui est assez frappant pour moi, c'est la disjonction entre la manière dont il s'adresse à elles, affectueusement, avec beaucoup d'humour, parfois sur le mode ludiquement amoureux, mais le côté ludique est très présent, enfin il s'agit pas d'y croire. Et en même temps, quand donc il vous, parle vous ne croyez de... pas qu'elle l'a demandé en mariage à Alice? J'ai un peu de mal à croire ça, mais... J'ai un peu de mal à croire ça. Mais pardon, je vous ai coupé. Oui, par contre, quand il parle des petites filles, c'est toujours dans le comme recherche de modèles photographiques. Et là, il y a quelque chose de très désaffecté, au contraire. Enfin, la question de l'affect n'est pas là. Ce qui m'avait frappé, c'est qu'il ne rencontre pas des petites filles comme sujet, mais qu'elles sont vraiment là comme modèle photographique. Il est à la recherche d'une image dont il a pu dire, lui, que c'était ce qu'il recherchait. Et au fond, il faut l'entendre. C'est un idéal de pureté. Et il a besoin d'aller photographier des enfants qui correspondent pour lui à cet idéal. Mais il y a une disjonction très claire entre cette quête des petites filles comme modèle photographique et la manière dont il noue un lien avec elles, qui est très différent. Il y a une sorte de disjonction là, un peu. Il y a un rapport à l'objet finalement. On prend des photos comme on prendrait un objet en photo. Un peu. Alors, vous parlez aussi, dans le sillage, je pense, de Lacan, hein, mais vous allez me dire si je me trompe cette fois-ci, de la valeur phallique que représente pour lui la petite fille. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir signifier? Faites-nous un peu de définition pour qu'on puisse comprendre ce que vous voulez dire. Ça n'est pas facile. Elle est positionnée en idéal et en image... en image sur l'objet du désir, en image, voilà un peu ce que veut dire valeur phallique pour Lacan. C'est une image idéalisée qui incarne l'objet du désir. Mmh. Je propose de passer à présent à la question de la logique avec un extrait d'un entretien avec Hélène Cixous qui date de 1972. Il y a une sorte de paradoxe chez Carroll, c'est la logique illogique, la logique qui détruit la logique. Alors, tout ce qui fonde notre pensée, c'est-à-dire les catégories de temps avec un ordre linéaire, d'espace, avec un passage d'un lieu dans un autre, etc., de mémoire, d'histoire, tout ça, c'est poussé logiquement jusque là où la logique s'interrompt, jusqu'à l'absurde absolu. C'est-à-dire, c'est une sorte d'excès logique qui nous amène alors à brusquement le point de fuite, et alors on passe dans la... ce qui n'est plus humain, en un certain sens, ce qui n'est plus notre expérience, ce qui n'est plus l'ordre. N'est-ce pas l'aspect formel de la logique, plutôt? Oui, mais justement, ce que Lewis Carroll a vu, c'est ça. C'est que si on pousse un certain type de logique en dehors de son monde abstrait, où elle peut s'exercer à l'infini sur des chiffres, en l'appliquant à notre pensée humaine, on arrive alors à l'explosion, tout ce qui défait notre logique habituelle. C'est en ça que c'est subversif. C'est là que ça devient justement alors redoutable, parce que si on applique cette méthode à tout, on fait surgir la folie du monde, celle qui est toujours refoulée justement par notre pensée. Hélène Cixous qui était au micro de Roger Pilaudin. Que retenez-vous de cet archive, Sophie et Marais-Malval? Que je partage à la fois son point de vue et pas tout à fait, au sens où en effet, Lewis Carroll était extrêmement préoccupé de logique. C'était un logicien très sérieux qui a écrit une vingtaine de traités de mathématiques. Et en effet, la question de la logique est au cœur de l'œuvre. La question de la règle, la tentative de chasser la métaphore, comme l'a rappelé Laurent Cixous. hier, la question de la formation du jugement, tout ça, c'est vraiment très présent. En quoi la formation du jugement est liée à la question de la logique ? Puisque la logique de l'époque de Lewis Carroll, c'était la syllogistique, c'est-à-dire tout homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Mmh. La logique, c'était former un jugement valide. Mmh. Qu'il y avait à l'époque des prétentions de vérité, qui étaient nouées à la question de la vérité. Et donc, tout ce travail du logicien informe l'œuvre littéraire. C'est vraiment tout à fait au cœur de l'œuvre littéraire. Mais paradoxalement, Cixous dit qu'au fond, qu'il pousse la logique à l'excès jusqu'à toucher le chaos. Je pense surtout que l'œuvre littéraire montre un peu les impasses de la logique, et notamment de la logique de son temps, de la logique aristotélicienne, et paradoxalement la logique que lui a défendue plus tard. Et c'est ce qui fait que ces textes ont été pris au sérieux par des linguistes comme Saussure, par des mathématiciens, par des philosophes, qui ont montré que cette œuvre était extrêmement intuitive et portait des intuitions sur... la fonction du signifiant, des intuitions vraiment très contemporaines sur la question de la vérité, et alors même que Lewis Carroll avait une position ultra conservatrice en matière de logique. Donc j'ai l'idée au fond que l'œuvre littéraire, c'est un peu le cauchemar du logicien, au sens où elle véhicule tous ces impossibles qu'il cherche à traiter, et même parfois un peu encore à son insu. J'ai pas l'idée que c'est porté au niveau d'un savoir dans l'œuvre littéraire, mais qu'il y a quelque chose qui sait à son insu, et que le logicien, lui, va essayer de traiter totalement autrement. Et c'est là où la psychanalyse retrouve la logique. Absolument. Parce que finalement, la conscience qu'avait Lewis Carroll du manque de logique, ou de l'autre logique, c'est peut-être plutôt ça qu'il faudrait dire, de ces textes littéraires, elle était parcellaire. Oui, des impasses de la logique aristotélicienne, absolument. Mmh. Mais il s'en rend compte, vous pensez, oui. Quand il écrit Alice, qu'il est en train de dépasser ses ouvrages de logique et qu'il est en train d'inventer quelque chose? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il est travaillé par des questions de logicien, donc il y a des choses qui sont présentes, mais je ne pense pas que s'il avait pu véritablement se les formuler, il n'aurait pas été Lewis Carroll, l'œuvre, au sens où l'œuvre logique est écrite bien après l'œuvre littéraire. Et que l'œuvre logique est ultra conservatrice. Elle vise à défendre Aristote et notamment toute une dimension ontologique du langage, alors que l'œuvre littéraire la défait intégralement, si on la lit de façon très, très précise. Et donc, s'il s'était emparé de son propre savoir dans son œuvre littéraire, soit ça aurait été éventuellement pour le critiquer, essayer de montrer que c'était des impasses et que finalement Aristote pouvait revenir sur ce savoir-là, soit il serait devenu peut-être Wittgenstein d'un côté, Saussure de l'autre. Mais non, il tient un discours ultra conservateur, il ne critique pas du tout les thèses qu'il énonce lui-même dans cette œuvre littéraire, bien avant, mais qui sont celles qui vont attirer l'attention des logiciens. Mais du coup, c'est assez beau de se dire que lui-même, peut-être jusqu'à la fin de sa vie, n'a pas eu conscience finalement de la portée de son œuvre littéraire. Absolument. Et que c'est précisément sa limite, le fait qu'il n'arrive pas à mettre des mots sur ce qu'il découvre, qu'il ne s'en rend pas compte d'une certaine façon, c'est parce qu'il est limité qu'il va beaucoup plus loin que n'importe qui d'autre. Oui, parce que ça lui échappe. Je trouve que l'œuvre littéraire porte là-dessus, sur le fait que ça échappe. Alice veut dire quelque chose et c'est autre chose qui vient, là vraiment une intuition là aussi de l'inconscient si on veut, ça échappe. Et c'est ça que Lewis Carroll met en scène dans les Alice, et en effet, c'est parce que ça lui a échappé, mais aussi parce qu'il a consenti à écrire à partir de là. Ça lui échappe, c'est un rêve, ça naît d'une formation de l'inconscient, il a laissé aller ça, et c'est là-dedans que j'ai le savoir. Enfin, est-ce que c'est pas ça, justement, toute l'intelligence de la littérature, une intelligence qui même si elle verbalise, parce que c'est ça la littérature, c'est verbaliser, ne verbalise pas en fait ce qui est profondément inconscient justement. Oui, elle tourne autour de ça, elle le verbalise, puisque par exemple quand Lacan énonce que c'est une œuvre qui est vraiment affine à l'ère scientifique, c'est-à-dire qu'il y a une scientificité même dans l'usage des illustrations dans le texte. Une scientificité. Il y a un abord véritablement des limites du langage dans la forme même du texte. Donc elle le verbalise d'une certaine manière, mais elle ne le commente pas, elle n'en fait pas un savoir. C'est un savoir insu, je ne sais pas comment le dire autrement. C'est un savoir entre les lignes. Il y a un fait assez troublant quand même, c'est le fait que Lewis Carroll utilisait toujours son nom de Dodgson pour ses ouvrages de logique, de mathématiques, d'algèbre, et qu'à la fin de sa vie, alors il ne savait pas que sa vie s'arrêterait si rapidement, puisqu'il est mort d'une bronchite, à la fin de sa vie, il écrit un ouvrage de logique, et pourtant, il le signe de son nom de oui. Lewis Carroll. Oui. C'est incroyable, ça. Oui. Oui, on sait peu de choses là-dessus, mais en effet, c'est vraiment pour lui l'œuvre maîtresse quand même, puisque c'est à propos d'elle qu'il dit que c'est une œuvre destinée à Dieu. Donc, c'était pas rien, et c'est tout à fait sérieux. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, d'après vous? Parce que la logique, c'est vraiment ce qui est au cœur de, au cœur du raisonnement. Enfin, c'est l'ambition logicienne, c'est quand même à l'époque d'aller vers une rationalisation des sciences à partir de la langue logique. Et donc, une œuvre destinée à Dieu, c'est parce que la logique, c'est le moteur de la connaissance. Et pour Lewis Carroll, il est très en retard, mais pour lui ça reste encore le moteur de la voie vers Dieu, le moteur de la connaissance de Dieu. Et paradoxalement, c'est cette œuvre extrêmement sérieuse. Avant, c'était de la géométrie et de l'algèbre. La logique, son traité de logique, c'est ce dernier traité. Ça s'appelle donc la logique symbolique. Qui s'appelle la logique symbolique, qui va signer de son nom Lewis Carroll. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Une affinité quand même, il souligne l'affinité entre l'œuvre littéraire et l'œuvre logique. Ça nous... Peut-être qu'il comprend quelque chose quand même en changeant de nom, et là je m'adresse à la psychanalyste, en changeant de nom, il comprend finalement le pouvoir de la littérature pour comprendre le monde, alors qu'il s'était peut-être évertué à comprendre le monde dans ses ouvrages de mathématiques précédents. Alors, ce qui n'est pas faux, en effet, c'est que c'est une œuvre pédagogique. C'est une œuvre destinée aux enfants qui vise à enseigner la logique aux petites filles, notamment aux enfants, mais aussi les petites filles sont expressément mentionnées, qui étaient un peu exclues du domaine de ce type de savoir à l'époque. Et donc, il s'adresse à un nouveau public dans une volonté dimension... d'émancipation, peut-être aussi pour les petites filles. Je crois que ça va pas jusque-là. En tout cas, c'est pas aussi clairement énoncé, mais il y a une dimension pédagogique et il s'appuie sur l'univers fantasy, de la fantasy, pour enseigner la logique. Donc en effet, il fait entrer aussi la fantasy, il prend au sérieux la fantasy, il prend au sérieux ce que peut nous apporter la fantasy dans une volonté pédagogique. Une œuvre pour Dieu, donc ce dernier ouvrage, La logique symbolique. Il faut dire qu'il était en train d'en écrire un deuxième tome au moment où il est mort. Alors je ne sais pas si c'est votre spécialité, mais je voudrais quand même vous faire réagir sur cette idée qu'il écrit une œuvre pour Dieu dans le siècle de Darwin, à Oxford, où évidemment Darwin irrigue beaucoup les milieux universitaires. Est-ce que ça vous interroge, ça? C'est ce qui est absolument évident, c'est que lui a eu une pente totalement conservatrice, c'est-à-dire qu'il écrit aussi au moment où Venn est en train de révolutionner le monde de la logique, Boole est en train de révolutionner le monde de la logique, tout ça dans les mêmes milieux, et lui tient ferme à Aristote, garde des positions extrêmement conservatrices. Alors est-ce que je crois pas qu'il en tout cas son œuvre logique ne prend pas Il prend pas parti contre Darwin, c'est pas du tout la question pour lui, mais sans doute ces débats-là devaient être très présents. Ce qui est clair, c'est qu'il est pas du tout à suivre et à essayer de s'inscrire dans cette modernité-là. Alors Sophie Marie Malval, on va continuer fort logiquement à parler de Lewis Carroll, de son œuvre littéraire, de son œuvre logique et mathématique, juste après la chronique, aujourd'hui présentée par Alexis Broca. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Alexis Broca, rédacteur en chef adjoint du Nouveau Magazine Littéraire. Bonjour à vous Alexis. Bonjour Mathieu. Est-ce bonjour que vous Sophie. Avez des souvenirs de lecture de Lewis Carroll? Ah oui, j'ai plein de souvenirs de lecture de Lewis Carroll et d'Alice, bien sûr. J'ai des souvenirs d'enfance. Je me souviens très bien du volume que j'avais à l'époque, de ses illustrations. Je me souviens aussi effectivement que ce livre me faisait un peu peur, en effet. Je sentais que derrière, il y avait des choses qui étaient hors de ma portée. Et puis par ailleurs, je dois vous confesser que j'étais sans doute un peu amoureux du personnage d'Alice et notamment de son incarnation dans l'adaptation qu'on a faite Walt Disney. Vous la préférez grande, vous la préférez petite? Je l'aimais beaucoup blonde. Voilà. Ah. Je la trouvais tout à fait jolie, j'avais tout à fait envie d'aller la sauver dans cette forêt où la malheureuse est perdue. Et puis j'ai des souvenirs aussi de lecture adolescente, puisque en fait, adolescent, moi je m'intéressais un petit peu aux contre-cultures des années 60-70 et vous savez, Lewis Carroll était une figure en fait vénérée par ses membres de la contre-culture. Côté psychédélique, en effet. Exactement, dans les illustrations. Voilà, la chanson de Jefferson Airplane, White Rabbit, qui est vraiment une référence directe à Lewis Carroll et qui relie directement Lewis Carroll au psychédélisme. Je pense à la chanson des Beatles, oui. I Am the Walrus, oui, I Am the Walrus, pardon pour l'accent. et puis même plus tard, je retrouve des références toujours, une chanson de Radiohead qui s'appelle Paranoid Android, où il répète la phrase Off with the Head, la phrase de la reine. Je pense aussi au film Matrix, lorsque le personnage de Neo descend dans les arcanes de ce monde-là, on lui dit you're going down the rabbit hole, vous descendez le terrier du lapin. Et tout ça sont des références à Lewis Carroll qui prouvent d'ailleurs que Lewis Carroll a complètement imprégné la culture dans son ensemble. Voilà. Alors on pourrait croire qu'il y a un dossier Lewis Carroll dans le Nouveau Magazine Littéraire, il n'en est rien. C'est pas je le veux cas. Poser la oui. question ouais. juste comme ça. Vous parlez dans le Nouveau Magazine Littéraire des écrivains de la mer. Et oui, ce mois-ci, Mathieu, nous hissons la grand voile et nous prenons le large pour aller parler de quelques grands romanciers de mer. C'est-à-dire que nous parlons de Conrad, de Melville, de Stevenson, de Jack London et de Defoe. Alors, on a beaucoup de chance pour ce dossier parce que ça commence par une nouvelle d'Herman Melville, l'auteur de Moby Dick, hein, tirée d'un recueil qui s'appelle Les Encantadas, qui est consacré aux Galapagos. En fait, on était en contact avec Thierry Gilibeuf et Christian Garcin qui sont en train d'entreprendre une vaste retraduction de toutes les nouvelles de Melville. Ils nous ont gentiment donné cette traduction d'une nouvelle méconnue qui est absolument étonnante parce que c'est une Robinsonade mais qui se centre sur vraiment un affreux personnage, un Robinson ivrogne, répugnant et par ailleurs complètement mégalomane. Et il a vraiment existé, hein. il s'appelait Oberlus, mmh. et il essayait d'escroquer en fait les passagers des vaisseaux qui accostaient sur son île. Voilà. Il a tout pour plaire. L'histoire est géniale. Et puis bien sûr, on peut pas s'arrêter là avec Melville, donc on continue avec Moby Dick. On a un grand papier de Thierry Gilibeuf, donc il plonge dans les entrailles de Moby Dick, littéralement, qui nous raconte un petit peu aussi la carrière de marin de Melville, qui a duré juste 5 ans, mais Melville a un petit peu exagéré cette carrière pour vendre le projet de Moby Dick. Il rappelle aussi le fait marin qui est à l'origine de Moby Dick, qui est le naufrage de la baleinière l'Essex en 1820, qui était littéralement coupé en deux par un cachalot en colère. Et voilà, il s'agissait de mettre en scène un petit peu ce mythe littéraire qui nous poursuit toujours. Alors un autre écrivain de mer incontournable que vous traitez, évidemment, c'est le grand Joseph Conrad. Et oui, le grand Joseph Conrad, auteur de Typhon et notamment d'Au cœur des ténèbres, qui n'est pas un roman marin par ailleurs. Alors Conrad, lui, il a eu une histoire très curieuse, parce que vous savez, c'est un enfant de la noblesse polonaise. Il est né dans la Pologne à l'époque sous domination russe. Et il rêvait d'être marin, Conrad, ce qui est très étonnant pour un fils. Voilà. Et bref, il a tout fait pour devenir marin. Il est parti à Marseille. Il a attendu des engagements. Il a été engagé dans la marine française. française, vraiment au rang le plus bas. Et puis après, il n'a pas pu rester dans la marine française parce qu'en fait, comme la Pologne était sous domination russe, il était considéré comme citoyen de Russie et les Français ne pouvaient pas le garder dans leur marine. Et donc, il est passé aux Anglais. Et là, il a grimpé les échelons jusqu'au grade de capitaine. Et surtout, cette carrière de marin lui a donné à la fois une langue, qui est cette langue extrêmement précise, et une esthétique. Conrad cite plusieurs fois des manuels de navigation. Il parle d'un texte notamment, dans un texte qui s'appelle En dehors de la littérature, il parle d'un livre qui s'appelle Les instructions nautiques. Et dans Au cœur des ténèbres, d'ailleurs, le personnage de Marlowe retrouve un manuel de navigation. Et en fait, il semble que l'idéal de Conrad aurait été d'écrire un texte dont la précision, l'exactitude, aurait égalé celle de ces manuels. Conrad nous dit, si jamais vous vous trompez dans l'écriture d'un manuel nautique, les conséquences sont dramatiques. Vous provoquez des naufrages. Donc, il aurait aimé écrire des livres qui aient cette précision. Et puis, ce goût de la précision, ce goût de la sobriété, de la forme brève et nette, ça donne un personnage. Ça donne McQueer, qui est le grand capitaine de Typhon. McQueer, vous savez, c'est un personnage, au départ, il apparaît complètement falot et complètement étriqué. Juste un exemple, lorsque son bateau change de pavillon et qu'il troque le pavillon anglais pour le pavillon de Siam, les marins anglais sont furieux. McQueer, lui, voit pas le problème, parce que le drapeau, après tout, est accroché dans le bon sens. N'empêche que c'est cet esprit étriqué, sans imagination, incapable de comprendre une plaisanterie et qui refusait les figures de style, par ailleurs, dans le discours, qui va sauver le bateau du typhon. Allez, encore d'autres petites choses dans ce dossier? Oh oui, alors il y en a plein. Je suis désolé, je pourrais te consigner très longtemps, mais je vais pas le faire. On a un ensemble sur Daniel Defoe, qui est remarquable, par Guillaume Pigard de Gulbert. Ça s'impose. Voilà, ça s'imposait. On a un ensemble sur Stevenson, par Jean-Jacques Grave, qui a fait une très belle nouvelle traduction, L'île au trésor. Vous savez, Mathieu, avant, jusqu'il y a peu, les marins de L'île au trésor, les pirates de L'île au trésor, s'exprimaient dans un français extrêmement châtié. Ce qui était triste, parce qu'en anglais, leur langue est complètement brisée. Et Jean-Jacques Greif a retranscrit cette langue brisée. Et ça donne un volume vraiment excellent. Et puis, j'ai fait aussi un texte sur Jack London, écrivain de mer. L'œuvre marine de Jack London est moins publicisée que son œuvre du Grand Nord, par exemple. Mais voilà, il a écrit cet extraordinaire recueil qui s'appelle Contes des mers du Sud, qui raconte en plusieurs nouvelles vraiment le choc des cultures entre les Iliens et ce qu'il appelle le fatidique homme blanc. Bon, et puis on va laisser vos lecteurs découvrir ce qui reste. Merci beaucoup. Il nous reste beaucoup. Alexis Broca, on retrouve votre signature dans les pages du nouveau magazine littéraire. C'est bien la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture, au troisième volet de notre série d'émissions consacrée à Lewis Carroll, l'auteur notamment d'Alice au pays des merveilles, lu ici par Georges Clès et Mydia Portis-Guérin. Le verre à soi et Alice se regardèrent pendant quelques instants en silence. Finalement, le bon Bix retira de sa bouche le hookah et d'une voix traînante et léthargique, s'adressant à Alice, « Mais vous, qui êtes-vous ?» Ce n'était pas là un début de conversation bien encourageant. Alice répondit, non sans quelque embarras, « Je ne sais pas trop, monsieur, pour le moment présent. Du moins, je sais qui j'étais quand je me suis levée ce matin. Mais j'ai dû, je crois, me transformer plusieurs fois depuis lors. » « Qu'entendez-vous par là? Expliquez-moi un peu quelle idée vous avez en tête. » « Je crains, monsieur, de ne pouvoir vous expliquer quelle idée j'ai en tête. Car voyez-vous, je ne suis pas certaine d'avoir encore toute ma tête. » « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. » J'ai peur de ne pouvoir vous expliquer cela plus clairement, car pour commencer, je ne le comprends pas moi-même. Et varier de taille à ce point en l'espace d'une seule journée, il y a là de quoi vous faire perdre la tête. Où allons donc ? Eh bien, peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte jusqu'à présent, mais lorsqu'il faudra vous transformer en nymphe, et cela vous arrivera un jour, savez-vous, et ensuite en papillon, je pense que cela vous paraîtra plutôt bizarre, ne le croyez-vous pas ? Pas le moins du monde. Après tout, il est possible que vous voyez cela à votre façon. Tout ce que je sais, c'est que cela me paraîtrait tout à fait bizarre, à moi. À vous ? Mais vous, d'abord, qui êtes-vous ? Et oui, vous d'abord, qui êtes-vous ? demande le ver à soi à Alice, Sophie Maré-Maléval. La question de l'identité, elle parcourt en particulier Alice au Pays des Merveilles, peut-être davantage aussi l'œuvre de Lewis Carroll. Elle me semble absolument centrale à l'œuvre. C'est vraiment au cours des deux aventures, Alice cherche sans arrêt et est confrontée à cette question. Qui suis-je ? J'ai changé de taille, ce que je dis n'est pas ce que je veux dire. Et sans arrêt, la question de l'identité est au cœur de... du texte avec deux réponses. Il y a deux réponses qui sont apportées. La première, je suis moi, et la deuxième, je suis Alice. Sans arrêt, les personnages cherchent à la qualifier. Le pigeon la qualifie de serpent. Et Alice doit se défendre du fait qu'elle n'est pas un serpent. Elle dit « mais je suis une petite fille ». Et le pigeon lui dit « mais tu manges des œufs ». Et Alice répond « oui ». Elle aurait dit « bah alors dans ces cas-là, t'es un serpent ». Donc il faut se défendre contre la logique du serpent. Voilà, il faut se défendre sans arrêt contre la signification, l'imposition d'une signification, d'une étiquette. Et Alice nous enseigne que la seule réponse qu'il y a à l'être, c'est « je suis Alice », le nom propre qui est un qui a comme particularité d'être un référent sans signification, qui n'a pas de signification, même quand c'est un nom commun, la signification est oubliée quand il devient un nom propre. Et « je suis moi », et en anglais c'est « I am I », où le second « I » est déjà différent du premier. En français, on a « je suis moi », qui marque plutôt la différence à soi-même, la non-identité à soi-même. Et au fond, je trouve que c'est un des enseignements centraux du texte, c'est que la question de l'être... est une question qui ne se résout que par un maigre trait d'identification, on va dire. Mais qui suffit voilà. Aussi, c'est voilà. Ça peut-être que dit Alice. Qui soulage de tous les épinglages, par la signification. Donc on est dans un roman d'initiation aussi, dans un conte initiatique. D'une certaine manière, mais un conte initiatique qui défait le savoir, qui touche aux limites du savoir, qui indique que aucun savoir ne suffit véritablement d'appui à résoudre sa question. Initiation, à la fin d'une initiation, vous avez un savoir en plus. Ici, c'est un savoir qui vous pointe, c'est ça, les limites du savoir. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. Voilà. Pour revenir sur la question de la logique et du syllogisme, J'aimerais qu'on dise un mot du chat de Cheshire. Le chat de Cheshire, c'est très difficile à prononcer. Oui. Il essaye de prouver à Alice qu'il est fou à l'aide justement du raisonnement syllogistique. Alors, il dit par exemple « les chiens ne sont pas fous ». Ils remuent la queue quand ils sont contents. Moi, je remue la queue quand je suis mécontent. Donc, je suis fou. Alors, cet épisode du chat de Cheshire a été beaucoup commenté. Est-ce qu'on peut aussi le commenter du point de vue de l'inconscient, par exemple ? Ou comment, vous, est-ce que vous le prendriez à votre compte ? À la fois le chat a tort, c'est-à-dire du point de vue du strict raisonnement logique, il a tort, et sur le fond, il a raison. Sur le fond, il a raison, ça ne peut pas ne pas m'évoquer le tout le monde est fou de Lacan. Enfin, qu'au fond, peu importe la logique, peu importe la raison, il y a une part de vérité dans ce qu'énonce le chat, qui est la folie de tous. Justement. Mais ce que nous dit peut-être Lewis Carroll, c'est que les plus fous, c'est ceux qui cherchent la logique. C'est les logiciens, finalement, qui sont les plus fous parce qu'ils ont toujours raison, mais à la fin, ils ont quand même tort parce que leur logique est intrinsèquement fausse. Les plus fous, oui et non, mais en tout cas, oui. Vous voulez pas vous mettre vos collègues logiciens à dos, je comprends très bien, à Paris 8. Et tout dépend ce qu'on nomme folie. Mais en tout cas, oui, Lewis Carroll avait un peu cette idée-là. Il joue dans ses syllogismes en indiquant la conclusion, c'est que, je sais plus, je l'ai plus en tête, mais en gros, c'est que les logiciens sont fous, tous les logiciens sont fous. Il avait un peu cette idée que à la fois il cherche quelque chose qui serait de fonder par la logique la raison et d'essayer d'avancer vers un homme raisonnable, chasser l'équivoque de la langue. Et en même temps, ce qu'il nous enseigne, c'est que du fait d'être des sujets du langage, y a une part de folie en nous. Voilà. Carole portait toute son attention justement sur les transformations de mots, sur le travail à la racine de ce qu'on appellerait aujourd'hui le signifiant, et que par conséquent, c'était là son importance, puisque nous pouvons voir aussi qu'elle rejoint, par certains côtés, l'œuvre de Freud. Et puis, on peut dire aussi, et ça Michel Butor l'a très bien fait remarquer dans son introduction à Finnegan's Wake, que Joyce avait trouvé chez Lewis Carroll un précurseur pour ce travail sur le langage, notamment en ce qui concerne les mots valises, les mots emboîtés les uns dans les autres. On sait bien que Finnegan's Wake se développe entièrement sur ce procédé des mots emboîtés, des mots valises. Et ce qui est quand même très important, c'est de considérer que ce travail-là, ce travail qui a l'air linguistique et gratuit, rejoint le travail qui justement est dans les rêves et pratiquement constamment au fond de nous-mêmes, tel que nous n'en prenons pas conscience, clairement. C'est pourquoi, à travers le miroir, Alice au Pays des Merveilles, ça n'est pas des contes pour enfants, c'est au contraire la remontée vers une source originelle, comme ça, du langage, et telle que, justement, il peut être vécu et senti par l'enfance, mais de manière inconsciente. Et au fond, c'est ce que Baudelaire disait déjà quand il disait que le génie, c'était l'enfance retrouvée à volonté, mais pour retrouver cela, il faut un travail considérable. Et je pense que Lewis Carroll a été un de ces écrivains qui ont senti l'importance et l'urgence d'accomplir ce travail-là, précisément. Vous avez peut-être reconnu Philippe Solers, sa voix a un petit peu changé, c'était une archive de 1966. Alors le travail du langage chez Lewis Carroll, c'est aussi le travail de l'inconscient, évidemment, et ça passe par ces mots qui sont des mots valises. Alors est-ce que ça passe par le néologisme ? La question du néologisme, moi je le prendrais plutôt chez Carroll du côté de l'intuition du logicien. Il y a quelque chose d'assez remarquable qui nous enseigne, notamment avec son poème Jabberwocky, c'est que le sens est porté par la syntaxe et pas par la sémantique. Vous nous parlez un peu justement de Jabberwocky. Alors c'est un poème néologique que Alice rencontre derrière le miroir, et donc je sais pas si vous voulez que je cite le It was brillish and the slithy toves did jar and jimble in the waves, all mimsy were the borough grows and the mum wrath out grave. C'est dommage de se priver de ça. Voilà. Et au fond, voilà, on a les Y des terminaisons adverbiales et adjectivales, it was, enfin toute la structure syntaxique qui va faire dire à Alice qu'elle a l'idée que ça veut dire quelque chose, mais elle ne sait pas quoi. Dans un moment quand même où Lewis Carroll, et dans son œuvre logique, va essayer de faire porter à la sémantique, à faire jouer à la sémantique un rôle essentiel dans la logique. Or, c'est ça qui va voler en éclats au XIXe siècle avec Venn, puis avec Frege, c'est-à-dire qui vont montrer que pour avoir une langue logique, il faut se débarrasser de la sémantique. Et donc, les néologismes caroliens portent une intuition absolument formidable, ce que lui-même n'a pas du tout admis après en tant que logicien. Après, les néologismes on maille à partir avec aussi la question de l'arbitraire du signe, de la question de la langue comme code, ce qu'on va retrouver aussi avec Humpty Dumpty. Quand je dis un mot, moi je lui fais dire ce que je veux lui faire dire, et c'est tout. Donc, y a quelque chose dans le langage, en effet, dans ce que c'est qu'un signifiant, comme le dit Solers, qui est d'un savoir sur le langage, sur le signifiant qui est présent dans le texte et qui, en effet, est aussi en prise avec la question de l'inconscient. Solers qui disait que finalement, il fallait retrouver l'enfance, comme Baudelaire l'a dit aussi, comme Picasso l'a dit aussi, mais on a l'impression que Lewis Carroll, il n'a pas eu besoin de retrouver l'enfance, il n'en est pas sorti. Oui, d'une certaine manière, oui, mais est-ce qu'on n'en sort jamais ? Et ben visiblement, certains en sortent puisqu'ils doivent y retourner. Il n'y a pas quelque chose là quand même qui se joue ? Ils doivent y retourner. Enfin, ils doivent retrouver le sentiment de l'enfance pour pouvoir recréer réellement. Oui, en même temps, le sentiment de l'enfance est œuvre, enfin l'enfance œuvre en nous. Et Carroll a cette idée-là. Il y est fidèle, plutôt. Oui. Il le sait. Alice, c'est le cauchemar pur. Ce livre, on donne à lire aux enfants, mais ce n'est pas un livre pour enfants. Sauf si l'on admet que la vision des enfants est pleine de terreur. L'enfant vit dans l'angoisse. Les adultes s'habituent à la vie, à une logique. Et cette logique, c'est quelque chose qui cache la peur fondamentale. Alice connaît à la fois l'attirance et la peur du gouffre. Qu'est-ce que c'est que le gouffre ? C'est en même temps la vie, l'univers des hommes, et c'est aussi l'autre côté du miroir, la mort, ou l'autre monde. Les enfants marchent entre ces deux abîmes. Ils ont le vertige. Et c'est ce que Carroll a exprimé d'une façon admirable. Eugène Ionesco, dans cette archive, c'est la compagnie des auteurs que vous écoutez. Nous sommes avec Sophie Marais-Malval pour parler de Lewis Carroll. C'est angoissant de lire Alice, vous, ça vous angoissez personnellement ? Moi, j'ai pas ce souvenir-là, mais oui, ça angoisse beaucoup de jeunes lecteurs, ça inquiète. Et quand on le relit, oui, on saisit ça, que je suis assez d'accord c'est avec cette lecture. C'est même adulte, finalement, que c'est plus angoissant de le lire. Oui. Lacan parle de vertige, hein, et il y a quelque chose de ça, du vertige, quand on lit cette œuvre, parce que il y a ce glissement sans arrêt du sens, du langage, de l'être, de la rationalité. Il y a vraiment une atteinte au sujet de la rationalité dans ce texte-là, qui a ce côté vertigineux. Or, c'est bien la logique qui rassure les hommes et les femmes. C'est ce qui est logique, qui nous arrime finalement à la réalité, à ce qu'on croit être la réalité. Ça, c'est pas si sûr. Ça, c'est pas si non, sûr. Non, vous croyez pas ? On a besoin de ça. On a besoin de la pensée logique. C'est rassurant, la logique, non ? C'est rassurant. C'est rassurant, mais Lewis Carroll le portait à un certain stade, ça l'a pas tout à fait rassuré. Mm. Parce que ça l'obsède. Ça l'obsède parce que se le coltiner, c'est toujours se coltiner à ses limites. Mm. Et un plaisir de la peur, vous croyez aussi, chez Carroll ? Chez lui, je ne sais pas. Quand on lit Alice, oui, on aime bien se faire un peu peur. Ouais. Qu'est-ce qu'on aime bien ? Vous avez en tête un passage ? Je sais pas. Moi, ce qui me vient en tête tout de suite, c'est la chute dans le terrier du lapin. C'est la perte d'identité. Mais elle n'a pas peur quand elle tombe dans le terrier du lapin. Non, effectivement, elle n'a pas peur. Elle tombe et elle se demande où est-ce qu'elle va. Est-ce qu'elle va finalement atterrir de l'autre côté de la Terre ? Mais il n'y a rien d'angoissant, justement. Après, pour nous, comme lecteurs, il y a quelque chose d'un peu inquiétant, même qu'elle n'ait pas peur. Tout ça, c'est pas... Parce que c'est... tout ça n'est pas normal, entre guillemets. Ah, ça n'est pas logique. Voilà. Normal. Normal, d'accord. Enfin, je ne sais pas. Oui, logique peut-être, oui. La peur, est-ce que ce n'est pas l'angoisse de la castration ? Alors là, je m'adresse quand même à la psychanalyste. Ah, je ne sais pas si j'ai envie de répondre comme ça. Non, ce n'est pas possible. Bien sûr, ça doit être présent, mais est-ce qu'on risque beaucoup de malentendus à dire les choses comme ça ? Mmh. C'est une question complexe, la peur de la castration. Ce qui fait peur, c'est cette dimension du manque qui est inhérente au désir et qui est présente partout dans ce texte. Ça échappe, ça manque, c'est jamais là où on l'attend. Mmh. C'est perdu. C'est perdu, voilà. Vous terminez votre thèse avec un rapprochement audacieux entre Lewis Carroll et Antonin Artaud. Pour quelle raison ? Parce que j'ai voulu chercher... Antonin Artaud a traduit les Jabberwocky, il a traduit le poème néologique, et je m'intéressais à ce moment-là, dans un abord un peu clinique, à la différence entre le néologisme d'Artaud et le néologisme de Lewis Carroll. Justement, je trouve que le néologisme d'Artaud, Carroll, Joyce, c'est un maniement totalement différent de la question du néologisme. ou chez Artaud, il a traduit de telle manière, et il le dit, enfin, que pour lui, il essaye d'ancrer le mot sur le corps et que le mot exprime l'être, là où précisément le néologisme carolien nous fait entendre le vide fondamental au cœur du langage. Voilà, voilà pourquoi il faut relire ces deux écrivains en parallèle. Merci beaucoup, Sophie Marais Malval. Je rappelle votre livre « Lewis Carroll, de l'autre côté de la logique » paru aux presses universitaires de Rennes il y a quelques années maintenant, c'était en 1995. Plus récemment, on peut signaler votre essai intitulé « L'inconscient aux sources du mythe moderne, les grands mythes dans la littérature fantastique anglo-saxonne » que vous avez publié en 2010 aux presses universitaires de Rennes. C'était La Compagnie des auteurs, une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Malonda, Garance Mazelier et Pierrick Monsigny. Demain, nous poursuivons notre parcours dans l'œuvre de Lewis Carroll. Il sera question du nonsense et du poème épique La chasse au snark et de bien d'autres choses, évidemment. Vous l'entendrez tout de suite, c'est la poésie. Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous et bonjour la compagnie. Chanson. Chez Pétrarque, il y a les sonnets, on connaît, et il y a les chansons. Chansons, la traduction remarquable est de René de Secati, à tomber, ainsi que sa présentation, et c'est, allez, ouais, il faut le dire, son Pétrarque confidentiel qu'il nous révèle en préface, c'est chez Gallimard, c'est chaud, ça vient de sortir. Puisque c'est mon destin qui me force à décrire mon besoin, de soupirer toujours cette douleur, qu'amour qui me conduit me soit escorte, éclaireur, alliant à mon désir la forme de mes vers, mais que par trop de tendresse mon cœur ne perde pas de force, car je crains ce danger dans mes sensations secrètes. Parler m'enflamme et m'empoigne trop loin de ma conscience, et je suis pris de peur chaque fois que je trouve mon feu d'amour privé de mon esprit. Le seul son de mes mots m'anéantit comme au soleil un bonhomme de neige. Je croyais au début que mes discours seraient comme un entracte, pour mon ardent désir comme une trêve. Cet espoir me donna l'audace de dire mes sentiments. Je ne l'éprouve plus. Ils se délitent. Il faut cependant que je persévère à noter mon amour, car ce qui me transporte est très puissant, et la raison est morte et impuissante à briser mon ardeur. Chance pour nous, puisque Pétrarque, annonçant sa sortie, se remet en fait à écrire ses sonnets, en italien, pas en latin. « Je ne fus jamais là de vous aimer, madame, ni jamais ne le serai, mais j'en suis arrivé à me haïr, et je suis là de verser tant de larmes. » Autre sonnet, « Je suis déjà là de penser comment mes pensées de vous ne se lassent pas, et comment je ne mets fin à mes jours pour fuir la charge de soupirs si lourds. » Oui, celui-là, à côté, page 177. « Les beaux yeux qui m'ont frappé de façon qu'ils seraient les seuls remèdes eux-mêmes, et non les plantes, ni les arts magiques, ni les pierres de l'au-delà des mers, ils m'ont fermé la voie à tout autre amour. Une seule douceur peut m'apaiser. Si ma langue veut suivre cet amour, seul son guide peut être critiqué. Tels sont les beaux yeux qui font triompher le maître de ma vie en tous endroits et plus que surtout sur mon côté gauche. Tels sont les beaux yeux qui tiennent les braises toujours brillantes au fond de mon cœur. Je ne me lasse pas de les chanter. » Et René de Secati, dans sa traduction, nous l'approche, le ramène parmi nous. « Je suis vanné d'avoir tant attendu. La guerre des soupirs était trop longue. Je hais l'espoir et je hais les désirs et tous les liens qui entourent mon cœur. Mais le charmant visage que je porte, peint dans mon cœur et que je vois partout, me fait violence. Et malgré moi, je suis réentraîné vers mes premiers martyrs. » Jacques Bonafé, merci pour ces lectures du Canzoniere et de Pétrarque, traduit par René de Secati.